Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du RPG Day 2017. La question du jour est fort intéressante. Quelle a été la campagne de financement participatif qui a été la mieux dirigée et à laquelle j'ai participé? Alors sans hésiter, je répondrai Orgueil et Préjugés, illustré par Margot Motin. Oui, effectivement, c'est pas du jeu de rôle. Mais j'aimerais bien quand même en parler un petit peu. Pourquoi ce financement d'Orgueil et Préjugés, illustré par Margot Motin, est une référence? Pour plein de raisons. Tout d'abord, la campagne de financement était très claire, les paliers étaient très clairs. Les paliers n'ont pas changé au cours de la campagne. Les délais ont été tenus, et sans retard. Et l'objet qui a été livré était de fort belle qualité. En plus, la maison d'édition qui a édité ce recueil ne m'a pas non plus demandé de relire gratuitement quelque chose que j'avais déjà payé. Et donc, de ce fait, ben oui, cette campagne de financement participatif est pour moi un modèle. On peut presque plus parler de pré-vente, mais ça, c'est autre chose. Alors, en jeu de rôle, parce qu'on est quand même dans le RPG A Day. Eh bien finalement, j'ai l'impression qu'il y a très peu de campagnes de financement participatif qui respectent tout ce que je vous ai dit. À savoir des paliers qui sont très clairs, qui n'évoluent pas au cours de la campagne de financement, un respect des délais, également le fait de ne pas demander à ses souscripteurs de corriger le texte, ben finalement, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Bien sûr, vous allez trouver des contre-exemples, et je suis d'accord avec vous, mais d'une manière globale, soyons honnêtes, il y a toujours des délais pour la livraison. En tout cas, la livraison du bouquin physique. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est important pour la réponse que je vais faire à cette question. Effectivement, ayant pris conscience qu'être éditeur, c'est un métier, et que le fait d'utiliser les services d'un imprimeur faisait que on pouvait se retrouver avec des délais de livraison ensuite derrière du bouquin physique pouvant être très importants, ben finalement, lorsque je pledge des jeux de rôle, quasi systématiquement, je pledge uniquement au niveau format numérique. Alors pour quelle raison? Ben, du fait que c'est un format numérique, il n'y a pas de problème d'imprimeur, il n'y a pas de problème avec les adresses de livraison, etc., etc. Et le jeu, en général, est livré relativement rapidement et dans les temps. Et comme ça, je n'ai pas à regretter mon achat et en attendant un an ou deux avant de recevoir mon livre papier. Donc c'est important à prendre en compte dans ma réponse, c'est qu'effectivement, je pledge quasiment exclusivement des formats numériques. Donc peut-être que l'exemple que je vais vous donner et que je vais citer en référence est peut-être pas le meilleur dans la livraison du bouquin. Et encore, en suivant quand même la campagne et les échanges avec, on va dire, l'éditeur ou la personne qui a fait la traduction du jeu, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de retard dans la livraison des bouquins papier. Alors oui, j'arrive à la réponse, parce que quand même, ça fait à peu près 4 minutes que je ne répond pas à la question. Mais pour moi, la campagne de financement participatif qui a été la mieux dirigée et à laquelle j'ai souscrit, ben c'est En Terre Sauvage, un supplément pour Dungeon World qui a été traduit par Sébastien Wotoz. Alors pourquoi cette campagne a été la mieux dirigée? Alors la mieux dirigée, en tout cas, c'est celle que je mettrai en avant au cours de cette vidéo. Parce que ben, la campagne a été claire, les paliers étaient très clairs. Elle a eu peut-être un petit peu de mal, j'ai eu l'impression, à décoller. Mais au final, bah, Sébastien nous a tenus au courant. Les délais qu'il a affichés ont été respectés. Le PDF a été très bien livré comme il fallait. Il a également enrichi la VO. Et donc, pour moi, cette souscription a été vraiment un succès et a été vraiment un vrai plaisir parce que le et les PDF finalement, parce qu'il y a eu également le guide en terre sauvage qui a été livré, ben finalement a été très bien. Donc je tenais au moins à le féliciter parce que c'était un vrai bonheur. Et il ne me semble pas non plus que entre la fin de la souscription et la livraison du PDF, il ne me semble pas qu'il ait non plus demandé à ses souscripteurs de corriger son texte. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très bien aussi. Donc voilà, pour moi, ma réponse, ben, c'est En Terre Sauvage. Et je vous recommande la lecture de ce supplément, qui est pas qu'un supplément, je trouve, pour Dungeon World, mais qui est plein de tables aléatoires pour créer un gros bac à sable Med Fan, très inspirant, et un véritable outil sympa pour les maîtres de jeu. Et vous, c'est quoi votre souscription favorite? J'en entends plein qui doivent déjà penser à certaines souscriptions qu'ils regrettent, ou en tout cas où ils espèrent un jour avoir le livre, mais telle n'est pas la question aujourd'hui. Et moi je vous dis à demain, et puis jouez bien d'ici là.